Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maintenant nous sommes tous les deux, je sens ton souffle sur ma peau. Bienvenue dans le monde de Nemo. Je me noie sous le désarroi, tu m'as fait passer par là. Mais comment ça? Je me tente avec une sensation, une impossibilité de retour. Viens dans ma tour pour que je t'emmène faire un tour. Matériel, je m'appelle à toi ma belle. Me laisse pas bête, laisse ton réveil sans remède à moi ma belle. Teste le level. Bienvenue dans l'archipel de Hearts of the Linux. Viens je t'emmène, on va jouer au pelle. Les pelle mêle à la marelle avec comme terrain. In the rumba, reprenda la cueda. Avec mi chico chica ma machina. Este en la casa y él comprenda. Il me comprenda pourquoi je suis dans cette situation là. Tous les canons des tessions. C'est les black anis, c'est les Chinese, African, Rabatian, Arbusha, Latino, Jambo, Pago, Tepulia, Algeria, Senegal, Rusko. Este sonido para todas las chicas que tienes en la plata esta tarde. Ce son pour toutes les mises qui sont dans la placita ce soir. Este sonido para todas las chicas que tienes en la plata esta tarde. Ce son pour toutes les mises qui sont dans la placita ce soir. It's party time, ITS crew, we here, you going down. You feel my sound, I still stay around. Going in the room with the pussy, I shine. All the ladies in my crew get invited. You don't like people living always in violence. Have fun with no run and no gun violence. If you do it, man, I go with girl in my island. Let's get higher, make more fire. After party, go to hotel, be some rider. Like rough rider, I'm a good stuff finder. Kinda, browner, passive fighter. Win with my brand like good freestyler. My mind on my money and my money on my mind. If you don't take it well, I take it mine. Little niggas and AF sub sign, now in your town.